Les presses d'internet russes Yeji Dnevnye Novosti, Las Vostoka, Bezuporomata.ru et Vrema Perimon ont présenté les 29 et 31 juillet le Musée de la Nature et le Zoo Central, centre de la vie culturelle et esthétique et de l'enseignement du peuple coréen.